On parlera cette fois des États-Unis à l'occasion du sommet de Washington, États-Unis et Union européenne. Ça commence, ça se tient aujourd'hui. Et nous, on reviendra sur la politique intérieure des États-Unis, réduction des déficits, réforme des retraites. Tiens, quelques occasions de comparer avec les pays européens. Bonsoir à tous. Merci Dominique Rousset. Rendez-vous est pris lundi 27 juin à 19h30. Alexandre Dang, Isabelle Mézine, Marc Floriot. Il va être 6h. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu tinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir, aujourd'hui, le Collège de France. Dans le cours intitulé cette année « Les personnes déplacées au Proche-Orient ancien », réexamen de la question des rabirous, l'assyriologue Jean-Marie Durand a posé hier le problème qui agite et alimente depuis la fin du XIXe siècle un certain nombre de débats sur les rabirous. Dans leur quête d'origine et de véracité, certains savants dans les années 1890 étaient partis à la découverte de preuves scientifiques de la réalité biblique. Ce genre de démarche néo-positiviste, mitigée d'obscurantisme, donne toujours les résultats souhaités, pour peu qu'on torde les interprétations dans le sens qu'on désire leur donner. Mais hélas, les textes sont retors, et quand certains prétendirent que les rabirous étaient les anciens Hébreux, des textes trouvés quelque temps plus tard en Égypte affirmèrent, eux, que ce terme signifiait brigands, voleurs ou encore bandits. Jean-Marie Durand explique, bien sûr, qu'on peut se doter d'un nom de façon ironique et se désigner soi-même par l'injure qui vous est attribuée. Néanmoins, reste problématique le groupe que ce mot désignerait. Comment savoir qui sont les rabirous? Telle est la question que Jean-Marie Durand aborde ce matin dans un cours où l'humour se mêle à l'érudition. Pour vous montrer les problèmes de la discipline, on va essayer de regarder, de faire le recensement un petit peu de l'approche que les savants ont eue sur la question et voir comment ils ont abordé le problème. Et vous allez voir tout de suite pourquoi nous ne pouvons pas à l'heure actuelle répondre avec la documentation mésopotamienne à la question des rabirous. Alors, je ne vous présente pas les choses chronologiquement, mais les choses par thème, c'est-à-dire les modes d'explication. Alors, la première, eh bien, c'est que c'est une explication extrêmement bibliste, si vous voulez. Ça vient, ils sont appelés rabirous d'après un nom propre. Voilà, d'après un nom propre. Saint Benoît a créé les bénédictins. Saint François a créé les franciscains. Le patriarche Hébert a créé les Ibri. Vous voyez, le Ilon, c'est un, si on appelle ça un isbé, une question de, c'est une dérivation, ça veut dire et un. Eh bien, Ibri, c'est d'après le patriarche Hébert. Alors, j'ai mis Ein, BR, parce que dans la Bible, il n'y a théoriquement pas les voyelles. Et alors, cette explication qui date, je n'ose pas dire de vieille comme Hérode, n'est-ce pas? Eh bien, il ne faut pas s'en moquer, parce que je vous ai montré la semaine dernière que Giovanni Pettinato l'a reprise en disant que ça venait de Iborium, roi des Blancs. C'est-à-dire que schématiquement, structurellement, les choses perdurent. Et on sait maintenant que Iborium est toujours des Blancs, mais ce n'est pas un roi des Blancs, et c'est un premier ministre. Bon, pourquoi le premier ministre aurait donné son nom aux gens qui viennent après? Voici Le premier type d'explication. Il y en a d'autres qu'on aurait pu rajouter, mais je vous donne les principales. Ensuite, alors ça, c'est une longue explication. Deuxième explication qui est extrêmement astucieuse, qui dépend de votre information. Eh bien, ça résout tous les problèmes en disant c'est pas un mot sémitique. Alors, vous comprenez, si ça vient de l'esquimau ou du bantou, ça règle les questions. Alors, on a commencé par vous dire, ça vient du hourrite évry. Le hourrite est la langue parlée par les populations antérieures à l'Arménie, dans du côté de l'Urartu, qui sont descendues des montagnes vers la plaine. Et alors, c'est une langue qu'on appelle de type caucasique ou pré-caucasique, qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, qu'on arrive à prononcer en gros. Et dedans, il y a un terme évry qui peut s'expliquer aussi par ibri, on ne sait pas comment le prononcer, et qui signifie seigneur. Les rabirous seraient les gens du seigneur. Pourquoi pas Et le grand Landsberger, depuis 1954, a dit que c'était un mot étranger. Bon. Alors voilà un échantillonnage. Ça ne va pas très loin, c'est une grande source d'étymologie au Proche-Orient que de dire qu'il y a un mot étranger qui a été dérivé ainsi. Et alors, depuis Seyss, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, les gens vous disent, eh bien, c'est apparenté avec le sumérien. Alors le sumérien est générateur de beaucoup d'étymologies, et on est allé trouver le terme de Ibira pour signifier le marchand. Les rabirous seraient en réalité des marchands. Alors, que des marchands soient des voleurs, c'est trop beau. Ce serait trop beau. Bon. Que des marchands circulent, il vaut mieux. Bon. Vous me direz le H. Eh bien, l'hébreu, le sémien ne marque pas les H initiaux. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez avant. Hein. Dire que c'est écrit Ibira, c'est vraiment Ibira ou Ibira, comme vous voulez, selon vos capacités phoniques. Le problème, c'est qu'on ne voit pas pourquoi cette guilde des marchands aurait passé son temps à faire du pillage dans la campagne, hein, parce que c'est ce que l'on voit à l'époque d'Alamarna. Et puis d'autre part, le terme de Ibira, c'est un de ces mots de glose que l'on trouve dans les dictionnaires anciens et que l'on ne trouve jamais dans un texte. Et on sait à l'heure actuelle que Ibira, c'est une façon de prononcer un idéogramme très compliqué, d'écriture très rare, et qui en réalité se lit aussi Tibira. Tibira. Et c'est cette alternance TI qui montre que le terme Ibira, ça a une résonance, un nachklang, comme disent les Allemands, qui marche entre les deux langues, mais ce n'est certainement pas apparenté étymologiquement. Il y a dans certains noms sumériens des initiales en T qui disparaissent ou qui apparaissent et qu'on ne sait pas expliquer, parce que la morphologie sumérienne a beaucoup de mystères pour nous. Alors, voilà un exemple de ces recours à des termes non sémitiques. Ce n'est pas très important, parce que ce qui serait important, c'est de voir que les rabirous, s'ils ont un rapport avec le terme qui signifie le marchand, sont impliqués dans le commerce international. C'est ça qui serait intéressant, et on ne le voit jamais. Donc, c'est le genre d'étymologie extérieure qui ne rapporte rien. Le troisième, eh bien, c'est qu'ils sont appelés d'après un nom de lieu. Alors, le premier exemple qui a été mis sur le marché par Dossin, est repris par Cazel, et Cazel n'est pas n'importe qui en ce qui concerne l'histoire du haut hébraïsme, n'est-ce pas? C'est que ça vient de Gabirou, et c'est un gueux qui s'est amoui en re, un gueux qui s'est spirantisé en gueux. Alors, la spirantisation des consonnes est un phénomène qui est très très bien connu. Le seul problème, c'est que Gabirou en sumérien n'existe pas. C'est une invention étymologisante par Dossin. On voit souvent le terme réapparaître. Hein. Alors, un homme du désert, c'est un homme qui est, ce serait un bédouin en quelque sorte. La seule chose qui gêne, c'est que Gabirou a été inventé, forché de toutes pièces pour des raisons étymologiques secondaires, par Dossin, mais n'est attesté par aucun texte et aucun lexique. Alors, l'autre explication plus sérieuse, c'est celle qui fait venir Ivry, non pas du patriarche Hébert, mais du nom de lieu qui signifie celui de l'autre rive. Et le terme de Ein Be'er signifie le pays au-delà, celui d'où l'on vient. Alors, ça c'est extrêmement important. La réflexion de Benno Landsberger, c'est même l'hébreu le moins cultivé, il a écrit ça en français à Jean Bottero, même l'hébreu le moins cultivé ne pouvait confondre Ivry autrement que celui de au-delà. Et cette interprétation, qui est une interprétation seconde, en quelque sorte une sorte de remotivation par la langue des gens qui écoutent et qui associent le son qu'ils prononcent avec les étymologies qu'ils peuvent faire avec les mots à leur disposition, est d'autant plus intéressante que vous savez que dans la Septante, c'est-à-dire la version grecque de la Bible, les Hébreux sont traduits par Perates, c'est-à-dire les gens qui viennent de Péran, de l'au-delà, de l'autre rive. Alors, c'est réellement, effectivement, quelque chose qui va avec le sentiment linguistique de l'hébreu. Mais il est évident que dire que ce sont des gens qui ont franchi le Jourdain pour venir et qui étaient sur l'autre rive, ça marche dans un contexte qui est purement palestinien, ça marche pas ailleurs. Et le terme qui est attesté ailleurs, à ce moment-là, montre que l'explication doit être beaucoup plus large. Alors, ça c'est un premier point. Il s'est trouvé que jusqu'à présent, vous voyez, on a fait un petit peu de la chasse, hein, de la chasse dans les dictionnaires à des mots qui ressemblaient. Là où ça devient plus important, c'est quand on a fait attention aux mots apparentés en égyptien et où on avait un « ein » qui apparaissait, et d'autre part un P. Et à ce moment-là, les gens ont été tentés de rapprocher le terme de Rabirou du terme de la poussière. Ein PR, Afar, qui signifie la poussière. Alors, on a traduit le Apirou, ça signifie l'homme couvert de poussière. Et vous voyez, la citation de Dorme en 1954, c'est une figure pittoresque pour représenter le poussiéreux qui circulait sur les grands chemins. C'est-à-dire qu'on aurait appelé le errant, le vagabond, l'homme qui circule d'après la poussière qu'il fait lever. Effectivement, quand vous allez au Proche-Orient, la poussière est toujours présente. Et c'est avec de la poussière que nous avons été créés la première fois. Bon. Ça pourrait donc à la limite signifier l'homme, mais ça n'a jamais été repris par les étymologistes et je me garderai d'ajouter cette sottise aux autres. Hein, parce que on crée un homme avec de la poussière en Palestine, mais pas en Mésopotamie, qui est plus ancienne. Cette étymologie a fait fureur. Elle a fait fureur. Et soit on le considère comme un sobriquet, le vagabond sale, soit on l'a considéré comme une façon de décrire eh bien, l'errant. Le bédouin, l'homme qui circule. Et c'est une explication qui est reprise, une étymologie qui est reprise par tous ceux qui veulent à tout prix écarter la notion de Rabirou et la notion de hébreu. Si vous avez un P d'un côté, ça ne peut pas être un B, donc vive la poussière qui nous délivre de l'apparentement des hébreux et des rapions. Alors, la dernière, l'explication un peu plus maligne, c'est celle de Ein PR de Roughton, qui dit que ça vient de Ein PR qui signifie le territoire, et que le Apirou, c'est l'homme du territoire. Alors ça, c'est, vous voyez, comme quoi quand vous jouez sur les termes, vous avez tout et son contraire. Si vous en faites un poussiéreux, vous en faites un vagabond, un étranger. Si vous donnez le sens de territoire, vous en faites un homme du pays. Mais un homme du pays, c'est exactement le contraire. Donc, Roughton et Dorme, en se rattachant à la même étymologie, arrivent exactement à des sens opposés. Alors, je vous dirai que l'étymologie de Roughton n'est pas acceptable, parce que Epirum, la poussière, ne signifie le territoire qu'au pluriel, et dans des cas de figure extrêmement particuliers, c'est un sens dérivé. Et vous ne pouvez pas construire un terme sur un sens dérivé. Ça, c'est pas possible. Il faut le construire sur le sens premier. Alors, l'explication de Roughton, qui peut être séduisante, dans la mesure où elle récupère l'individu, d'un point de vue national, doit être évacuée. Je vous fais remarquer que si on doit désigner quelqu'un par un territoire, tout le monde devrait être des rapirous, et non pas des gens isolés. Alors, l'explication, c'est, là encore, on voit les limitations de l'étymologie. Alors, si on fait maintenant attention un petit peu au sens, eh bien, on voit apparaître des tentatives différentes. Alors, on va faire l'étymologie d'après un terme descriptif. Et vous avez, à ce moment-là, vous allez le rattacher à Ubaru. Ubaru qui signifie l'étranger. Le apiru serait donc l'étranger. Ça marche beaucoup mieux pour le sens, ça marche beaucoup mieux pour les emplois. Ça ne marche pas beaucoup pour l'emploi du terme Ubaru qui signifie l'étranger domicilié dans des contextes linguistiques qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire en Paléo-Babylonie ou bien en Cappadoce, mais pas en Palestine. Donc le terme, les Palestiniens seraient allés chercher un terme qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'est pas vous. Vous changez l'étymologie en déclarant que ça vient des racines HBR s'attacher et vous en faites des confédérés. C'est l'étymologie qui a été proposée tout à fait au début. Alors, confédéré, bon, oui, bien sûr, mais ça marche pas. Ça marche pas pour les textes mésopotamiens. Et puis ensuite, eh bien, Landsberger prétend que ça vient d'un terme cananéen. Alors, comme on ne connaît pas le cananéen, on peut naturellement inventer des termes, et que ça signifie Haber, le bandit. Alors, dernière explication. Vous le faites venir de Habaru, qui signifie fuir. Vous voyez, là, on commence un petit peu plus à faire attention au sens. Hein. Alors, le juriste belge Questemont propose de distinguer deux Habiru, l'un qui serait l'apatride, et qui viendrait de la racine Rhein BR, ou bien le G avec un Aleph, c'est que j'ai raté le point sur le G. Hein. Habere ou bien Heinbere, partir sans esprit de retour. Alors moi je vous dirais, je ne connais pas le terme. Je ne sais pas à quoi il fait allusion. Et deux, un terme de redoutable, terroriste, hors la loi, et qui viendrait de l'arabe Afara ou Afira, qui signifie faire peur. Alors le rabirou serait le croque-mitaine ou l'ogre. Bon. Vous voyez là, ce que l'on voici à peu près le résumé de toutes les étymologies thématiquement présentées de ce qui est disponible. Vous voyez le résultat, c'est que on fait attention à des équivalences de sons, hein, pas toujours à des équivalences de sens. L'étymologie permet de dire une chose et de dire son contraire. Et ça me paraît, et j'espère que ça vous paraît aussi, des études gratuites. En définitive, plus vous augmentez le champ de comparaison linguistique, plus vous avez de propositions à faire. Et moins vous connaissez la langue, et plus vous pillez un dictionnaire. Parce que quand vous avez une connaissance concrète de la langue, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sur l'arabe ou sur l'hébreu. Ça, ce sont des choses qui sont un petit peu misérables. C'est, à mon avis, en bonne raison, en bonne partie, parce que l'approche a été surtout étymologique, n'est-ce pas, que le problème des rabirou est à l'heure actuelle bloqué. Je crois que à peu près toutes les possibilités ont été épuisées. On ne peut pas faire d'étymologie nouvelle à moins de créer une racine qui signifie être rabirou. Hein, bon, auquel cas, alors, pour les sens des rabirou, maintenant, si l'on regarde, eh bien, on constate que tout à fait au début, vers 1890, les gens ont eu une immense espérance, celle que je vous disais au début, qui était de retrouver enfin des textes qui ancrent le message biblique dans l'histoire. Et ça, c'est un immense désidérata. Parce que, quand vous lisez la Bible, c'est voici un livre qui est extraordinairement concret, qui représente quelque chose d'extrêmement important pour une partie importante de la planète. Hein. Et c'est un livre dont vous n'avez aucune confirmation dans l'histoire. Vous savez ce que l'on dit, David et Salomon sont absents dans toute l'histoire du Proche-Orient. Ne parlons pas de Moïse ou d'Abraham. Bon. Et un des grands challenges, c'est d'arriver à retrouver la trace de tous ces gens qui ont été si importants pour des siècles et des siècles. Bon. Alors, beaucoup de gens vous disent à l'heure actuelle que ce sont des mythes. Ce sont des gens sans absolument aucune expérience. Et David, à l'heure actuelle, vous savez, commence à apparaître sous le nom de Beit David dans des inscriptions. Maintenant, on commence à se dire que David a réellement existé. Salomon, c'est toute sa gloire, eh bien, reste dans le ciel. On ne sait pas. Alors, en 1890, voici ce qu'écrivait, par exemple, un savant de l'époque, après avoir vu l'existence des rabbis. Nous avons dans ces textes les plus hautes attestations des Hébreux et un récit contemporain des guerres de Josué et de ses successeurs. Voilà, enfin. Donc, la conquête de la Palestine a coïncidé avec les dernières années du règne d'Aménophis III et celui de son faible successeur, Aménophis IV, qui, comme nous le voyons d'après ces lettres, n'était pas capable de résister à la rébellion du sud de la Palestine, alors que dans la Syrie du Nord, leur gouverneur était attaqué avec succès par les Hittites. Alors, par la même occasion, on avait enfin la preuve que l'Exode était daté de 1480 à 1520, selon les chronologies de l'époque, et comme en même temps l'étymologie indiquait que c'était des gens de l'autre rive, on avait confirmation que c'était des gens qui venaient, eh bien, de Jordanie en Palestine. Et tout était logique et en règle. Ça, ça a été la grande espérance des historiens en 1890, qui s'est écroulée tout de suite, dès que les textes se sont mis à se multiplier. Il y a un deuxième point que je voudrais vous souligner tout de suite, c'est que l'idée de Winkler, dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui était que le terme de Rabirou se disait aussi idéogrammatiquement sagaz. Vous savez que je vais parler des deux niveaux de l'écriture mésopotamienne. Vous avez l'écriture phonétique et l'écriture idéogrammatique. À partir du moment où vous récupériez l'écriture idéogrammatique, vous pouviez multiplier les exemples. Et à ce moment-là, naturellement, vous aviez un champ d'investigation beaucoup plus grand. Cette vision a été acceptée et est encore acceptée jusqu'à nos jours. Et à mon avis, c'est une des choses sur lesquelles il faut se battre. Il faut voir pourquoi les gens le répètent et s'ils ont raison de le répéter. Et tout le monde le répète à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas de raison de le mettre en question. Je pense que c'est là un des freins majeurs d'interprétation des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que Rabirou égale brigand, bon, idéologiquement c'est très fort, il faut savoir en même temps si historiquement ça tient. Et ça n'a jamais été réellement regardé. Hein, effectivement, quand vous tournez avec El Amarna, vous tournez en rond. C'est pareil. Il faut remarquer une chose, il faut lui rendre hommage, c'est que Knudson, qui est le grand éditeur d'El Amarna, qui a fait la meilleure des traductions d'El Amarna et qui a revu tous les textes, a passé sa vie entière à dire c'est pas vrai, l'explication ne marche pas. Ce sont des gens qui sont analogues, mais qu'il ne faut pas identifier. Bon. Et là, il a prêché dans le désert. Quand on regarde après comment les savants ont réagi par rapport au Rabirou, eh bien, les problèmes ont été, est-ce que Rabirou est un ethnique ou un appellatif? Et c'est ça qui est en réalité le fond du problème. Est-ce que c'est un ethnique? Est-ce que ça désigne un peuple? Ou est-ce que c'est un appellatif qui désigne une catégorie humaine. Bon, si c'est un ethnique, il y a une unité très grande. Si c'est un appellatif, n'importe qui peut être catégorique, c'est comme ça. Si vous dites brigand, bon, brigand, vous pouvez en avoir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Bon, et si vous dites que c'est une tribu particulière, alors là, vous avez, vous focusez l'attention sur quelqu'un. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que il y a eu tentation pour ceux qui considéraient que c'était un ethnique d'opposer les termes de cananéen et de hébreu en disant ils s'opposent, cananéen et hébreu, ce sont deux ethniques, mais qui s'opposent exactement comme on oppose dans le nord assyrien et araméen. Ce sont effectivement deux ethniques différentes. Mais l'opposition, c'est celle entre sédentaire et nomade. Voilà, sédentaire et nomade, c'est-à-dire que vous avez deux personnes plus ou moins apparentées, mais dont le genre de vie n'est pas pareil. Alors, les Araméens, ethniquement, sont tout à fait caractérisés, mais, point de vue du genre de vie, ce sont des gens qui circulent, qui pillent, qui s'installent, qui chassent d'autres personnes. Les Assyriens, c'est une grande civilisation urbaine. Et puis alors, vous avez naturellement la catégorie des un appellatif qui signifie rien. Et dans lequel on vous dit que les Hébreux ont été des rabirous, mais tous les rabirous n'ont pas été des Hébreux. Et vous avez un terme générique par rapport à un terme plus large. Comme si, pour l'exemple, en français, vous allez le comprendre tout de suite si je prends le terme de américain. Vous avez américain, ça veut dire tous ceux qui habitent à l'ouest dans les grandes terres qui vont du nord au sud. Et puis je vous dis aussi, les Américains sont, et vous comprenez que ce sont des gens qui habitent dans les States. Vous avez un sens large, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et puis vous avez un sens étroit, ce sont ceux qui sont entre New York et l'océan Pacifique. Voilà. Je me permets de vous faire remarquer que la situation, pour moi, spécialiste de Marie, se pose désormais d'une façon absolument parallèle à ce terme que j'ai étudié plusieurs fois chez vous, qui est Hana, hein, et dans lequel, quand on regarde la littérature scientifique à l'heure actuelle, c'est que des gens vous disent Hana, c'est un ethnique qui vient du pays de Hana, qui habite dans une région inconnue, mais qu'on trouvera un jour. Prenez patience, on le trouvera. Et puis un autre qui vous disent, dont je suis, Hana n'est pas un ethnique. Rana est un générique qui signifie l'homme qui habite sous la tente. Et par la même occasion, je le traduis par bédouin pour avoir la paix. Mais ces bédouins, il peut y avoir dedans des benjaminites ou des bensimalites ou des gens qui ne sont pas du tout des sémites ni des cimériens. Et effectivement, j'ai à l'heure actuelle des ranous qui viennent des montagnes et qui sont certainement des gens qui n'étaient ni de race cimérienne ni de race acadienne, ni de race amorite, ou dans le sens où race signifie quelque chose. Bon, voilà à peu près comment se posent les problèmes, et manifestement, tant que on confond absolument les notions de ethnique et de générique, bon, à ce moment-là, on ne trouve plus rien. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est non pas de reprendre les textes d'Alamarna, parce que ce sont des textes qui sont piétiné par tout le monde. Tout le monde est venu circuler dessus. Il y a sur chaque lettre d'Alamarna, il y a des bibliographies absolument énormes, que l'on regarde le vocabulaire, l'histoire, la géographie, la morphologie verbale, etc. Ça devient quelque chose d'absolument tentaculaire, et on peut dire à peu près n'importe quoi. Je pense qu'il faut prendre la question sous un angle différent. Et un angle historique différent. Alors, nous allons partir d'une documentation qui n'a jamais été exploitée pour la question des rabirous. C'est la documentation de Marie. Et le problème, l'avantage, c'est que cette documentation représente quelque chose qui est l'état le plus ancien auquel nous puissions arriver. Voilà. Alamarna, c'est en 1300, ou un peu plus, un peu moins, selon les chronologies qui montent, qui descendent. Vous savez qu'on a, 100 ans de battements à l'heure actuelle. Eh bien, Marie, à l'heure actuelle, on ne peut pas aller au-delà. Il n'y a pas de texte. Et puis, d'autre part, cette documentation, elle a l'avantage de rentrer dans des dossiers historiques précis. Ce ne sont pas des petits textes épars, n'est-ce pas ? Ce sont il y a des dossiers, d'amples dossiers historiques dans lesquels il y a une sorte de cohérence qu'il faut respecter et qui explique. D'autre part, elle émane de documents épistolaires narratifs. Et naturellement, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que la documentation est très précise. Non seulement on vous dit quelque chose, mais on vous le raconte. Alors, avant que l'on se perde dans les détails de la documentation de Marie, je voudrais vous en donner un échantillonnage de cette documentation ou de la rappeler à d'autres pour vous montrer avec quelle sorte de documents on fonctionne. Et la plupart du temps, quand je parle avec mes collègues, je leur dis, nous ne disposons pas tellement de sources primaires, comme vous les appelez, pardon, sources primaires ou sources secondaires, nous discourons à partir de documentation journalistique. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des dépêches qui tombent, et à partir de ces dépêches, il faut que reconstruire l'histoire. Alors, naturellement, un document primaire s'authentifie par lui-même, un document journalistique, c'est peut-être de l'ordre du bobard complet. Hein? Et nous avons la coutume à l'heure actuelle de campagnes de presse fantastiques qui ont ameuté tout le monde et qui se dégonflent. Bon. Et il ne faut jamais oublier dans la documentation de Marie que cette chose existe aussi et qu'il faut la prendre avec tout l'esprit critique possible, garder la structure quand on laisse tomber les détails. Bon. Alors, pour vous expliquer cela, je vous ai repris un texte de Marie extrêmement célèbre qui s'appelle, Les trois morts du roi Zouzou. Zouzou était un homme qui a particulièrement empoisonné les Mariottes. Mais le document est exemplaire pour vous faire comprendre ce qu'on peut espérer de la documentation de Marie, et il faut critiquer nos sources avant, ce qu'on peut espérer d'elle et pourquoi il faut s'en défier. Ce texte, vous voyez, est relativement bien conservé. Il est cassé d'une façon élégante dans les endroits où on peut suppléer. C'est-à-dire les choses en haut, l'adresse, là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin ici. Par contre, l'endroit des événements, qui en général est cassé sur une tablette normale, ici est très très bien conservé. D'autre part, le texte a été édité par Dominique Charpin et est parfaitement compris. Donc on peut discuter. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle les trois morts du roi Zouzou ? Eh bien, parce qu'on transmet au roi de Marie la nouvelle joyeuse que cette espèce d'empoisonneur public est mort. Alors, ce qui peut intéresser le roi de Marie, c'est de savoir comment il est mort. Parce que la nouvelle ne suffit pas. Et alors, dans la même lettre, voici ce qui arrive. Première nouvelle, un ranéen, c'est-à-dire un bédouin, m'a rejoint et m'a dit « Zouzou s'est empli de l'eau du Dieu et il est mort ». L'eau du Dieu, c'est un peu mystérieux, mais il est mort d'une sorte de maladie. Voilà ce qu'il m'a dit. Le bédouin m'ayant rapporté la nouvelle de sa mort, j'ai dit à Carnélie, Zouzou est mort. Voilà la première nouvelle. Deuxième nouvelle. Carnélie n'a pas cru, c'est la suite du texte, n'a pas cru à la mort de Zouzou, il a envoyé un serviteur à lui pour confirmer la mort de Zouzou. Regarde son cadavre et dis-moi si c'est vrai qu'il est mort. C'est parce qu'enfin, on va être libéré de cet individu. Alors, ce serviteur a fait le rapport suivant. Zouzou ne s'est pas empli de l'eau du Dieu. Il est tombé du haut de la muraille et une pierre lui a fracassé la région du nez. On l'a emmené tout sanglant, mais il est mort pendant le transport. Voilà ce que j'ai appris autour de moi. Voilà, deuxième version sur la mort de Zouzou. Ensuite, après le serviteur de Carnélim, un homme à qui on avait remis 100 ânes de Zouzou et qui devait leur faire porter du grain depuis Azamroul jusqu'à Saproum, s'est enfui et a porté à Carnélim la nouvelle et mort de Zouzou en disant « Zouzou ne s'est pas empli de l'eau du Dieu, il n'est pas mort après être tombé du haut de la muraille, il est mort de mort naturelle. » Alors, ce que vous avez là, pour un historien, c'est ce qu'on appelle la critique des sources. Bon. Si on avait simplement la première version, bon, en historien actuel, on dirait, un texte nous apprend que le roi Zouzou est mort de maladie, point à la ligne. Si on avait le texte numéro 2, on dirait la même chose, le texte numéro 3, la même chose. Et si vous regardez la critique qui porte sur les textes grecs et latins, où vous avez des chroniqueurs qui vous rapportent des sujets de ce genre, il est mort en se fracassant, sautant de sa fenêtre, ou bien on l'a poussé, ou bien ceci, ou bien cela, les gens qui attachent de l'importance aux détails, bon, choisissent la version qu'ils veulent. Mais là, vous voyez ce que l'on a. C'est pour ça que je les appelle les trois morts. C'est que dans le même document, vous avez les trois versions qui vous sont apportées par trois informateurs, et qui vous montrent que ce ne sont pas des sources primaires. Vous comprenez ce que je vous dis quand il y a un premier flash qui tombe, en disant il est mort parce qu'il s'est empli de l'eau du Dieu. Un deuxième flash disant il est tombé de la muraille. Un troisième disant il a fait ouf et pouf, il est tombé. Bon. C'est-à-dire que les documents qui vous multiplient des détails concrets et qui vous font entrer dans ce qu'on peut appeler une histoire vivante, eh bien, peuvent simplement vous raconter n'importe quoi. Et il est pas mort trois fois, ce type. Hein? Il en a eu une seule mort, il est tombé pouf, ou bien on l'a poussé de la muraille, et celui qui décrit avec le nez en sang parce qu'il est tombé, hein, c'est quand même, il l'a vu, théoriquement. L'autre, il est mort d'hydropisie, il est mort de quoi, l'eau du Dieu? On peut pas savoir. Alors, voilà, si vous voulez, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on va rentrer dans la richesse de la documentation de Marie. Par rapport aux lettres qui sont très frustes de la Marna, on peut être naturellement tenté de dire « Nous avons enfin l'histoire concrète et précise, et on a le film des événements sous les yeux. » Ça peut être quelque chose qui est complètement... Dedans, il est mort de l'eau, rempli de l'eau du Dieu, et il y a une justification de la mort, bien sûr. C'est Dieu s'est mêlé de faire partir le coquin. Bon. Le second... Il y a un homme qui a un petit peu aidé, quand même, parce qu'il n'est pas tombé par le vertige. On l'a un petit peu aidé en le poussant. Hein, Alors, voilà ce que j'appelle, si vous voulez, les flashs journalistiques sur les rabirous qu'on va voir avec Marie. Alors, dans un deuxième temps, une fois que l'on aura fait l'inventaire de ces nouvelles sources sur les rabirous, eh bien, il faudra voir si le terme de rabirous est un terme isolé pour décrire une partie de la société, ou bien s'il fait système avec d'autres termes. C'est ça le point le plus important. C'est-à-dire que Rabirou est-il seul, ou fait-il système avec d'autres termes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un champ sémantique complet dans lequel Rabirou n'est plus isolé, mais peut-être réuni à d'autres? Ça pourrait aider pour l'étymologie, par exemple. Hein? C'est alors... Et que lorsque nous aurons une idée d'après les textes de Marie, que nous transporterons le modèle de Marie ailleurs pour voir si le terme a évolué, après tout il y a 400 ans qu'il les sépare, ou bien si ça permet de choisir parmi toute une série d'interprétations. Vous voyez, là, on a la possibilité de se créer un modèle, et puis ensuite de voir si le modèle marche ou pas. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est quand apparaissent les rabirous. Le problème des rabirous, c'est que les gens vous disent « Oh, le terme apparaît depuis l'époque d'Agadée ». Agadée, c'est 2400 avant le Christ. Et avant Agadée, il n'y a pas de texte acadien. C'est le début des textes, c'est la première des textes acadiens. Si le terme rabirous, comme ça vous est dit régulièrement, ils apparaissent à l'époque d'Agadée, puis après ils disparaissent, ça fait partie des aléas de la documentation. Si c'est vrai que c'est un texte du troisième millénaire, c'est une constante majeure de la documentation de la société proche-orientale. L'enjeu est très important. Je vais vous donner un exemple dans un autre domaine. Si vous regardez dans le domaine de la religion, les textes qui concernent les rêves, bon, vous pouvez être sûr que les humains rêvaient toutes les nuits au moins une fois, sinon plus. Bon. Quand vous regardez le corpus sur les rêves, vous en avez un tout petit peu dans le troisième millénaire, un plus à l'époque de Marie, vous en avez après chez les Hittites, vous en avez encore chez les Néo-Assyriens, et entre-temps, vous avez des plages entières de l'histoire proche-orientale où les gens ne rêvent pas. C'est peu vraisemblable. Donc, on peut tout à fait penser qu'il y a des discontinuités dans la documentation. Il n'est pas déraisonnable de penser que les rabbis apparaissent en 2400 et puis disparaissent après, et que Marie les fasse réapparaître. Pourquoi pas? Alors, nous allons voir l'attestation à l'époque d'Agadé. L'attestation à l'époque d'Agadé, voilà le texte où ça apparaît. C'est un texte qui vient, en plus, de Tel Brak, donc un texte qui vient de Haute-Djéziri, l'ancienne Nagar. Il y aura une carte tout à l'heure, je vous montrerai où se trouve cette ville. Donc, ça se trouve en plus dans un terroir du Nord, hein, c'est intéressant. Et ce texte, alors, pourquoi est-ce qu'il est d'Agadé? C'est extrêmement simple, parce qu'il est en écriture d'Agadé, agadéenne. Il est daté pour des raisons paléographiques. N'importe quel assyriologue, sauf ceux d'ici, à qui vous montrerez ce document, vous dira, c'est un texte de l'époque d'Agadé, c'est-à-dire de Sargon ou de Naram-Sin. Et comme à Tel Brak, on a trouvé justement un grand palais construit par Naram-Sin, ça marche très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte? Eh bien, c'est une liste de distribution. Alors, faites à des gens ou par des gens, on ne sait pas. Vous voyez cet idéogramme voyez le chiffre 1, 1, 1, 1, 1, 1 qui apparaît comme ça, hein, comme une sorte de marque de... Bon. Et puis vous avez ici cet idéogramme qui signifie l'enclos primitif qui a été pris comme pour symboliser le mouton. Ça se lit 1 ou 12, c'est-à-dire un mouton. C'est une série de moutons avec des noms propres. Des noms propres ou des ethniques qui sont à côté. Bon. Alors, si on regarde cette ligne-là, eh bien, cet homme qui est là, il reçoit non pas un mouton, mais un bouc. Bon. Les boucs et les moutons faisant partie de la même tribu sont catalogués en même temps. On sépare les torchons et les serviettes. En Mésopotamie, on ne compte pas le grain avec les moutons, mais les moutons et les chèvres, oui. Bon. Et l'intérêt de cet homme-là, c'est que c'est donné à quelqu'un qui est Rabiram. Voilà, c'est écrit phonétiquement Rabiram. Voilà le Rabirou archaïque de l'époque d'Agadé. Alors, qu'il soit un Rabirou ou qu'il s'appelle Monsieur Rabirou, à la limite, c'est pas très important. Le problème, c'est que vous voyez, je vous ai toujours écrit Rabirou comme ça, avec un U, et vous avez Ra'am. A'am, c'est l'accusatif. L'accusatif, il marche en acadien, comme dans une langue latine ou grecque normale, c'est-à-dire c'est le complément du verbe. Alors, on vous dit toujours, dans les Rabirou m'apparaît, à l'époque d'Agadé, comme un nom propre, ou comme un ethnique, ou comme un appellatif, à l'accusatif Abiram. Or, regardez cette liste. Vous voyez cette liste, hein? Il y a un mouton ou un bouc, plus un nom propre ou un appellatif chaque fois ici. La question qui se pose, si vous avez fait du latin ou du grec, vous pouvez me répondre de la même façon, c'est pourquoi, dans une énumération comme ça, employer un accusatif? Un accusatif, c'est un complément d'objet direct dépendant d'un verbe. Je vois l'homme, homme à l'accusatif. L'homme voit, nominatif, C'est un sujet. Bon. Déjà, ça paraît extrêmement bizarre. Pourquoi un accusatif là-dedans? Et alors, c'est là où c'est absolument sûr, c'est que ce n'est pas le terme rabirum. Ce n'est pas le terme rabirum, c'est en réalité un nom propre qui doit composer comme les noms propres et qui doit se découper ainsi. Ça veut dire le dieu Ram. Rabbi est un être mystérieux. Rabbi, c'est le terme normal pour signifier le mystère à l'époque. Et ce dieu Ram, c'est celui que vous trouvez dans les noms comme Shupram, choses de ce genre. Ça fait des séries très très bien construites. Maintenant, on les connaît. Et le terme de Rabbi Ram réapparaît dans l'onomastique de Marie, dans des listes toutes prêtes, et on sait parfaitement que c'est un nom en lui-même qui doit être analysé de façon différente. Et que ce n'est pas l'accusatif de Rabbi Roum, le Rabbi Roux hébreu ou quoi que ce soit. Donc, c'est une information tout à fait importante. L'exemple le plus ancien disparaît pour des raisons d'analyse interne. Bon. Alors, vous me direz, comment peut-on comparer un mot de l'époque d'Agadée avec un mot de l'époque de Marie? Il y a quand même une sacrée différence, parce que 2400 d'un côté, 1800 de l'autre, etc. Eh bien, en réalité, voici un document, vous voyez, au point de vue de l'écriture, vous pouvez admirer la copie de moi. J'ai passé, à l'époque où on n'avait pas encore de bons appareils de photo, je m'étais tapé la copie, je peux vous dire qu'il y en a pour quelques heures de travail. Hein. Mais c'est comme ça qu'on apprend son métier. Vous voyez que sans être un grand spécialiste de cunéiforme, que ce sont des textes qui se ressemblent au point de vue du ductus. Hein. Bon. Eh bien, ce ductus, alors là vous avez des chiffres un peu plus archaïques que ceux qui sont ici, parce qu'ici ils sont faits en rond, alors qu'ici ils sont faits en pointu, mais l'écriture est absolument la même, et cette tablette à l'heure actuelle, moi quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, oh, c'est une tablette d'Agadée. Le problème, c'est que cette tablette vient de Marie. Et les tablettes d'Agadée à Marie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas. Et maintenant, on arrive parfaitement à la dater. Cette tablette, elle est de l'époque de ce qu'on appelle les Chakanaku, c'est-à-dire juste au moment de la réforme de l'écriture, avant que Yardoulim ne prenne le pouvoir. Et à l'heure actuelle, il est absolument... Bon, comme les documents n'ont pas été trouvés en plus en fouille stratigraphique, il est absolument... douteux que ce texte soit un texte de l'époque d'Agadée, il peut être tout à fait un texte de l'époque de Yardoulim, c'est-à-dire le père de Zimrilim, et ça marcherait beaucoup mieux au point de vue de l'onomastique et au point de vue des termes géographiques qui se trouvent énumérés, parce que dans d'autres tablettes, ce sont les villes de l'époque de Marie, non pas du troisième millénaire, qui sont là, et je pense que tous ces textes de Telbrach doivent être en réalité attribués à l'époque paléo-babylonienne amorite et non pas à l'époque d'Agadée. Il faut les faire redescendre. Alors regardons maintenant le terme de Sagaz, qui est le terme sumérien. Eh bien, voilà le genre de contexte dans lequel vous avez. Alors ça apparaît dans des textes sumériens. Vous avez Mou, alors ça c'est NP, je ne vous ai pas mis le nom sumérien à rallonge qui est derrière. Mou NPE, Sagaz Inaakache, puisque ce nom propre a fait une agression contre lui. Sagaz est le terme sumérien. Alors, Sagaz, agression avec le verbe ak qui signifie faire. Vous voyez la langue agglutinante sumérienne qui se présente de façon tout à fait différente. Puisque ce nom, un tel a fait une agression contre lui. Ou bien, dans les textes littéraires, si vous les prenez, la malédiction d'Agadée, lorsque la civilisation sumérienne s'écroule, on décrit à ce moment-là sa désintégration. Et parmi le long catalogue de la désintégration de Sumer, on voit apparaître des choses que Harana, sur les routes, loup de Sagaz, les bandits, Baïtouche, c'est-à-dire Bitouche, l'équivalent de Bitouche, se tiennent. Ou bien un autre. Les instructions de Churupak. Doumoumou, ô mon fils, Sagaz Namouak, et ne fais pas d'acte d'agression envers ton voisin. Mais vous voyez que cette documentation ne vous présente absolument pas des ethniques. C'est un mot qui est intégré dans l'expression « causer du tort à quelqu'un ». Bon. Alors, quelqu'un qui cause du tort parce qu'il le dérobe, il se fait du mal à lui-même, il est puni parce qu'il a fait du tort à quelqu'un, etc. Ce sont des mots du vocabulaire et traduire ici « ne te conduis pas comme un rabirou », c'est se moquer du monde. Savoir aujourd'hui le Collège de France avec Jean-Marie Durand. Présentation Christine Goémé, réalisation Jeanne Cherquefosse. oreille. Écoute, ça. La radio bouge, la radio n'est qu'au mouvement. Sa seule voix, la voix. Attention, Sunted Pay Postul, France Culture. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. Musique, théâtre, danse, cinéma. M. Toute la culture. France Culture vous présente Enquête en pays KGB. Surpris par la nuit, revient sur le destin de ces romans interdits, passés clandestinement en Occident, pour rester enfermé durant des décennies dans des tiroirs. Jamais l'écrivain ne retrouvera ce rôle et ce statut qu'il avait à l'époque soviétique et dont sont nostalgiques les écrivains russes d'aujourd'hui. Pour beaucoup, il y a une immense amertume chez certains auteurs. Ils ont l'impression d'avoir été trahis par leurs lecteurs. Ces lecteurs qui les adulaient quand ils ne pouvaient pas leur dire ce qu'ils voulaient leur dire. Et ces lecteurs donc qui se sont détournés d'eux quand ils se sont mis enfin à parler à voix haute. Ça fait très très mal. Alors qu'aujourd'hui de nombreux chercheurs ont pu accéder aux archives de la censure, on en sait désormais un peu plus sur son fonctionnement, les méthodes de manipulation ou de répression exercées sur les écrivains. À travers les manuscrits retrouvés, comme cette copie du journal de Bulgakov, dont l'auteur avait brûlé l'original après son arrestation à la Loubianka, qu'apprend-on encore des rapports troubles entre la police politique soviétique et les écrivains? Les manuscrits ne brûlent pas, le KGB et la littérature, surpris par la nuit, ce soir à 22h30. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, à l'occasion du centenaire de Jean-Paul Sartre, célébré sur France Culture tout ce mois de juin, les chemins de la connaissance, à 11h30, reviennent sur le phénomène Sartre, un phénomène qui commença en 1943 après la publication de L'être et le néant et la création des mouches. Troisième volet avec François Georges, écrivain. 11h, fiction feuilleton, Manhattan Transfer de John Dos Passos, 18e.